Chapitre 26. Monsieur Segmuller était de ces magistrats qui chérissent leur profession d'un amour sans partage, qui s'y donnent corps et âme et mettent à l'exercer tout ce qu'ils ont d'énergie, d'intelligence et de sagacité. Juge d'instruction, il apportait à la recherche de la vérité la passion tenace du médecin luttant contre une maladie inconnue, l'enthousiasme de l'artiste s'épuisant à la poursuite du beau. C'est dire combien, impérieusement, s'était emparée de son esprit cette affaire ténébreuse du cabaret de la Chupin qui lui était confiée. Il y découvrait tout ce qui doit irriter l'intérêt. Grandeur du crime, obscurité des circonstances, mystère impénétrable enveloppant les victimes et le meurtrier, attitude étrange d'un prévenu énigmatique. L'élément romanesque ne manquait pas, représenté par ces deux femmes dont on avait perdu les traces, et par cet insaisissable complice. Enfin, l'anxiété du résultat était une attraction de plus. L'amour-propre ne perd jamais ses droits, et M. Segmuller songeait que le succès serait d'autant plus honorable que les difficultés auraient été plus grandes. Et il espérait vaincre, surtout ayant un auxiliaire comme Lecoq, ce débutant en qui il avait reconnu des facultés extraordinaires et le génie de son état. Aussi, l'idée ne lui vint-elle pas, après une journée écrasante, de se soustraire à la tyrannie de ses préoccupations, ni de remettre les soucis au lendemain. Il se hâta de dîner, avalant la bouchée double, et son café pris, il se remit à la besogne avec une nouvelle ardeur. Il avait emporté l'interrogatoire du soi-disant artiste forain, et il l'étudiait à la façon de l'ingénieur qui rôde autour de la place qu'il assiège pour en reconnaître les endroits faibles où doivent converger les efforts de l'attaque. Toutes les réponses, il les analysait. Il en pensait les expressions une à une. Il cherchait le joint où il pourrait glisser quelques victorieuses questions qui, semblables à une mine, disloqueraient le système de la défense. Une bonne partie de sa nuit fut employée à ce travail, ce qui ne l'empêcha pas d'être debout de meilleure heure qu'à l'ordinaire. Dès 8 heures, il était habillé et rasé. Il avait arrangé ses papiers, pris son chocolat, et il se mettait en route. Il oubliait que l'impatience qui le dévorait ne bouillonnait pas dans les veines des autres. Il s'en aperçut bientôt. C'est à peine si le palais de justice s'éveillait lorsqu'il y arriva. Toutes les portes même n'étaient pas encore ouvertes. Dans les couloirs, des huissiers et des garçons de bureau, mal éveillés, se détiraient en échangeant leurs vêtements de ville contre leurs costumes officiels. D'autres, en bras de chemise, balayaient et époussetaient, avec 1000 précautions toutefois, et de façon à ne pas mettre en mouvement des dunes de poussière dont le niveau monte tous les jours. Par la fenêtre des vestiaires, les loueuses de costumes secouaient les robes des avocats, triste loques noires en ce moment, toge magique à l'audience, lorsqu'il s'en échappe des flots d'éloquence et des essaims d'arguments. Dans les cours, quelques petits clercs d'avoués polissonnaient en attendant l'ouverture du greffe ou des bureaux d'enregistrement. M. Segmuller, qui avait à consulter le procureur impérial, se rendit tout d'abord au parquet. Personne n'était arrivé. De dépit, il alla s'enfermer dans son cabinet, l'œil sur la pendule, bien près de s'étonner de la lenteur des aiguilles à se mouvoir. À 9h10, Goguet, le souriant greffier, parut et fut accueilli par « Ah, vous voici enfin !» qui dut ne lui laisser aucun doute sur l'humeur du bon juge d'instruction. Goguet, cependant, était en avance. Goguet, pressé par la curiosité, s'était hâté d'arriver. Il voulut s'excuser, se disculper, mais M. Segmuller lui ferma la bouche assez vertement pour lui ôter toute envie de répliquer. « Allons, pensa-t-il, le vent souffle du mauvais côté ce matin. » Éployant l'échine sous la bourrasque, il passa philosophiquement ses manches de lustrine noire, gagna sa petite table et parut s'absorber dans la taille de ses plumes et la préparation de son papier. Au fond, il était vexé. La veille au soir, tout en causant avec Madame Goguet de l'énigmatique prévenue, il lui était venu différentes idées qu'il n'eût pas été fâché de soumettre au juge. L'occasion eût été mal choisie. M. Segmuller, le flegme personnifié d'ordinaire, l'homme par excellence grave, méthodique et tout en dedans, était devenu méconnaissable. Il se promenait de long en long dans son cabinet, se levait, s'asseyait, gesticulait, enfin paraissait ne pouvoir tenir en place. Décidément, se disait le greffier, les chevaux ne se débrouillent pas, les affaires de mai vont très bien. En ce moment, il en était ravi. Il se rangeait du côté du prévenu, tant sa rancune était grande. De 9h30 à 10h, M. Segmuller ne sonna pas son huissier moins de 5 fois, et 5 fois il lui adressa les mêmes questions. « Êtes-vous sûr que M. Lecoq, l'agent du service de la Sûreté, ne se soit pas présenté ? Informez-vous ! Il est impossible qu'il ne m'ait envoyé quelqu'un. Il doit m'avoir écrit. » Chaque fois, l'huissier, surpris, dut répondre. Personne n'est venu et il n'y a pas de lettre. La colère gagnait le juge. Conçoit-on cela, murmurait-il. Je suis sur des charbons ardents et cet agent se permet de se faire attendre. Où peut-il être allé? En dernier lieu, il ordonna à l'huissier de voir si on ne trouvait pas Lecoq aux environs, dans quelque estaminet. De le chercher, de le lui amener vite, bien vite. L'huissier parti, M. Segmuller sembla reprendre son calme. Nous sommes là que nous perdons un temps précieux, dit-il à Goguet. Je me décide à interroger le fils de la veuve Chupin. Ce sera toujours cela de fait. Allez dire qu'on me l'amène. Lecoq a dû remettre l'ordre d'extraction. Moins d'un quart d'heure après, Polyte faisait son entrée dans le cabinet du juge d'instruction. C'était bien, de la tête aux pieds, de la casquette de toile cirée aux pantoufles de tapisserie à dessins voyants, c'était bien l'homme du portrait que la pauvre Toinon la Vertu enveloppait de ses regards passionnés. Seulement le portrait était flatté. La photographie n'avait pu fixer l'expression de basse astuce de ce visage de coquin, l'imprudence du sourire, la lâche férocité de l'œil fuyant. Elle n'avait pu rendre ni le teint flétri et plombé, ni le clignotement inquiétant des paupières, ni les lèvres minces pincées sur des dents courtes et aiguës. Du moins, devait-il lui être difficile de surprendre son monde. Le voir, c'était le juger à sa valeur. Lorsqu'il eut répondu aux questions préliminaires, déclaré qu'il avait 30 ans et qu'il était né à Paris, il prit une pause prétentieuse et attendit. Mais, avant d'aborder l'objet sérieux de l'interrogatoire, M. Segmuller voulait essayer de démonter un peu cette assurance de coquin. Il rappela donc durement à Hippolyte sa position, lui donna à attendre que de son attitude et de ses réponses dépendrait beaucoup le jugement à intervenir dans l'affaire où il se trouvait impliqué. Polyte écoutait d'un air nonchalant et quelque peu ironique. Dans le fait, il se souciait infiniment peu de la menace. Il avait consulté et se croyait sûr de son compte. On lui avait dit qu'il ne pouvait pas être condamné à plus de 6 mois de prison. Que lui apportait un mois de plus ou de moins? Le juge, qui surprit ce sentiment dans l'œil du gredin, abrégea. La justice, dit-il, attend de vous des renseignements sur quelques habitués du cabaret de votre mère. Ce qu'il y en a beaucoup, monsieur, répondit le garnement d'une voix enrouée, traînarde, ignoble. En connaissez-vous un du nom de Gustave? Non, monsieur. Insister, c'était risquer de donner l'éveil à Polyte, si par hasard il était de bonne foi. Monsieur Segmuller poursuivit donc. Vous devez, du moins, vous rappeler Lacheneur. Lacheneur? C'est la première fois que j'entends son nom. Prenez garde, la police sait beaucoup de choses. Le garnement ne broncha pas. Je dis la vérité, monsieur, insista-t-il. Quel intérêt aurais-je à mentir? La porte, qui s'ouvrit brusquement, lui coupa la parole. Toinon la Vertu parut, son enfant sur les bras. À la vue de son mari, la malheureuse jeta un cri de joie et s'avança vivement. Mais Polyte, reculant, la cloua sur place d'un regard terrible. Il faudrait être mon ennemi, prononça-t-il d'un ton farouche, pour prétendre que je connais un nommé Lacheneur. J'en voudrais à mort à qui dirait ce mensonge, oui, à la mort, et je ne le pardonnerai jamais.